comme élément identitaire. L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Dans l'armée, quand on est dans l'armée, on n'est pas pour rigoler. Dans l'armée, on est là pour défendre la patrie. Donc le but de l'armée, c'est de tuer. Tu es militaire, tu vas tuer. Et à ce moment-là, les gens maintenant t'apprécient. Tu es un bon soldat. Donc dans l'armée, j'ai vu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Il y a de mes amis qui ont tué parce que beaucoup aussi. Parce que quand on est enfant, on tue facilement aussi. Quand on est dans l'armée, enfant, on tue facilement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit leur visage comme ça, très enfantin, presque... Enfin, pas presque pouponesque, quoi. Les enfants ont une très grande capacité physique, y compris des capacités de résilience, de résistance à la fatigue, plus une forme d'inconscience psychique de leur propre vulnérabilité ou de leur propre mortalité, qui fait que si on ajoute à ça des substances hallucinogènes ou des drogues ou de l'alcool, ça permet de créer des situations de transe, en fait. Où du coup, ces enfants soldats ont une capacité mortifère extrêmement élevée, quoi. Grandir avec la guerre. L'innocente cruauté des petits guerriers. En étant dans l'armée, dans la guerre, on a tué beaucoup de gens. Et moi, on m'a choisi, on m'a donné l'autre. Alors à ce moment-là, j'avais déjà pris la discipline militaire, des règlements militaires, ou à laquelle tu sais que non, il faut obéir, si tu ne le fais pas, on va te tuer. Là, il n'y a pas question de pitié, en fait. C'est question d'obéir. Quelle que soit la tristesse ou pas, quelle que soit les pleurs ou pas, c'est question de faire ce qu'on te demande de poser l'acte. Il faudra le faire. Et quand on le fait, en étant enfant, on a moins de soucis, en fait. Il y a certaines des choses, ça peut être horrible pour les adultes, mais en étant enfant, on peut les voir, facilement, quoi, en fait. On ne peut pas comprendre les dangers de la réalité, en fait, tu vois. Enfant soldat, petit bourreau pendant les guerres de religion, enfant de Daesh ou de retour de zone irako-syrienne, enrôlé de force ou volontaire, on les considère comme des bombes à retardement qu'il faudrait désamorcer. Comment extraire les enfants des zones de guerre et quel accueil leur réserver ensuite? D'abord, regarder en face notre fascination pour leur violence. Est-ce qu'on peut commencer par une photo? Alors, c'est la photo d'un petit cadogo. Manon Pignot. Si je dis pas de bêtises, les cadogos, ce sont les enfants soldats du Congo, de RDC. Donc c'est un terme, local, mais qui désigne vraiment ces enfants forcés à combattre. Vous voyez, il est en uniforme. C'est un uniforme qui a l'air d'être un uniforme réglementaire, avec un pantalon, une chemise, une casquette, des chaussures de combat. Kaki. Enfin, voilà, ils sont en uniforme, quoi. Ils ne sont pas dépenaillés. Ce sont pas des mercenaires. Ils sont vraiment assimilés à des soldats, ou en tout cas à des auxiliaires de la guerre. Alors après, reste la question, c'est la question de l'arme. Là, en l'occurrence, le fusil mitrailleur que cet enfant porte, qui est vraisemblablement une Kalachnikov, parce qu'il a le réservoir comme ça un peu, arrondi. Est-ce que cette arme, il l'a pour la photo uniquement? Ou est-ce que c'est une arme dont il s'est servi? Le commencement de ses aventures, ça a commencé en fait lorsqu'il y a eu le mouvement de la fidèle pour renverser Mobutu au pouvoir. Alors, Serge Amizi, j'avais presque 10 ans ou 11 ans, hein, comme ça. Et le fait qu'il y avait des enfants dans l'armée, ça a étonné, ça a impressionné presque tout le monde. Ça donnait aussi envie à d'autres enfants aussi de voir un enfant armé, avec une arme, autorité. Vous savez, lorsqu'on est enfant, des fois on est contre nos parents. C'est normal, on a tous passé par là, quoi. Du coup, je me suis retrouvé dans l'armée. À cet âge d'adolescent, on a toujours besoin de la liberté. Et cette liberté, on l'a retrouvée dans l'armée. s'enrôler dans l'armée. Ouais, beaucoup des enfants s'y sont ramenés d'eux-mêmes. Beaucoup on les a pris par la force. Beaucoup on les a menti aussi. Moi, ça s'est passé par, par la flatterie en fait. Bon, comme quoi qu'on nous a flatté, on nous a raconté des mauvaises promesses. J'y croyais facilement en fait. À tout ce qu'on me disait, j'y croyais. Du coup, on a croisé les troupes armées et du coup, voilà, ils nous ont pris comme ça. Je suis parti comme ça dans l'armée, quoi. Il n'y avait pas une raison que j'ai pourrais fuir en fait. Parce qu'il y avait à manger, il y avait tout, il y avait des endroits pour dormir. À ce qu'on nous donne des formations, on nous raconte des histoires, on nous fait croire que nous sommes des militaires pour défendre la patrie et tout machin, des choses comme ça. Du coup, j'ai oublié mes parents. Et du coup, je ne suis plus revenu. Wazazi wetu wakuliza kwamba watoto wetu wanaenda wapi? Chibonge hicho nini mama? Vijana waliwambia msituni mama. Chibonge chibonge hicho nini mama? Vijana waliwambia msituni mama. Wazazi wetu wakuliza kwamba watoto wetu wanaenda wapi? Chibonge hicho nini mama? C'est une chanson qu'on chantait dans l'armée. Et nos parents avaient demandé à Kabila où sont-ils partis nos enfants. Kabila les a répondu Kabila okawajibu watoto zenu wakawendia kombwa inti za Congo. Vos enfants sont partis aller libérer la nation. Le premier moral, le deuxième moral, le troisième qui restera, c'est celui qui sauvera la nation. Donc c'est des chansons de combat, quoi, parce que dans l'armée, on a toujours été accompagné par des chansons. On sent le voix des autres, comment ça sort et tout machin. Il n'y a pas d'instrument, mais il y a des armes. Là, à ce moment-là, on chante, on tape les armes, on saute, ça fait grrr, grrr. La musique, là, ça nous donnait la concentration, en fait. Ça nous mettait dans l'état de confiance. La particularité de la RDC, comme d'autres conflits intra-étatiques, disons d'Afrique, ou en tout cas d'Afrique subsaharienne, fin des années 70, années 80, années 90, c'est que certaines fractions armées ou certaines milices armées ont eu recours à des enfants, garçons et filles, qu'ils ont enlevés par la force, raptés, alors soit individuellement, soit par groupe entier d'enfants dans les villages, et de les avoir contraints à combattre par toute une série de mesures coercitives violentes, voire ultra-violentes, alors en leur faisant parfois consommer des drogues, en les faisant boire, notamment du vin de palme, et en les soumettant aussi à des espèces de rituels un peu, mystiques dans la culture animiste, qui s'apparenterait à ce que nous on appellerait des formes de sorcellerie, mais qui peuvent avoir un impact très fort sur des jeunes enfants, notamment avec l'idée de boire le sang de l'ennemi, des choses comme ça, qui peut évidemment avoir un impact très fort et provoquer une réaction très forte, et puis surtout avec des meurtres initiaux, originaux, qui vont les faire entrer directement de plein pied dans la violence de guerre, parfois en les obligeant à tuer des membres de leur propre famille ou de leur propre communauté villageoise, de façon à couper plus ou moins définitivement les liens qui les reliaient à leur vie d'avant. Au moment où on apprenait la formation, j'ai dominé tous mes amis. Et un jour, on était avec les Rwandais. J'ai vu mon oncle venir me suivre là-bas, à Beni. Quand il m'a vu, directement, il a commencé à pleurer en disant « Serge, là-bas à la maison, on te cherche. On a déjà fait le deuil. On croyait que tu étais mort. » Après, les Rwandais ont entendu comment il pleurait et on a arrêté mon oncle. On l'a mis au cachot. Le matin, on a fait une grande parade. Les Rwandais, ils m'ont donné les drogues. C'était pour ma première fois. Après, les Rwandais ont fait sortir mon oncle. On l'a placé devant tous les militaires. Et à ce moment-là, les Rwandais leur ont dit, vous avez vu cet homme? C'est lui qui est venu ici pour enlever son enfant de l'armée. On va le tuer. Et puis, c'est son enfant qui va le tuer pour lui montrer qu'il est déjà devenu soldat. Parce qu'ici, on vous a appris à tuer sans pitié. Après, quand on m'a appelé, tous, ils ont crié pour que je tue mon oncle. J'ai dit au Rwandais, je ne vais pas faire ça. Après, les Rwandais m'ont dit, si toi, tu ne le tues pas, ce sont tes frères militaires qui vont te tuer. Donc, toi, il te faut les tuer pour ne plus avoir peur de tuer d'autres gens. Passe devant pour tuer ton oncle. Et ils m'ont donné l'arme avec 30 balles dedans. J'ai dit à mon oncle, prie avant que je te tue. Et puis mon oncle a fermé les yeux. J'ai remonté mon arme. J'ai fermé les yeux et j'ai tiré sur mon oncle 30 balles. Mon oncle est mort. Il s'est éparpillé en morceaux dans sa poitrine. C'était la mitraillette Kalachnikov. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé mon oncle et je me suis mis en colère, très très en colère. Et j'ai dit à tout le monde, tous ceux qui viendront chercher leur frère ici, moi je dirais qu'on le tue comme moi, j'ai tué mon oncle. C'est ce qu'on appelle la séparation totale de la famille en fait. Le mot enfant-soldat, le concept d'enfant-soldat, c'est un concept assez récent. Donc c'est lié à la création de l'ONU et puis aux différentes étapes de l'adoption par l'ONU de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc le terme même d'enfant-soldat, il va s'élaborer entre les années 50 et les années 70 et ça désigne tous les mineurs de moins de 18 ans impliqués d'une manière ou d'une autre dans un groupe armé et dans un conflit. Interétatique, intra-étatique, guerre civile, etc. Donc ça, c'est pour le mot « enfant-soldat », qui, à mon sens, est d'une très grande efficacité, puisque son but, c'est de protéger les mineurs. Ça veut dire que, par exemple, dans une situation, on va dire, post-conflit, s'il y a une justice d'épuration qui se met en place après une guerre civile, etc. Être reconnu enfant-soldat, c'est-à-dire mineur de moins de 18 ans, ça vous fera pas forcément éviter la prison, mais ça peut vous éviter la peine de mort, parce que on met pas à mort les mineurs. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Maintenant, du point de vue de la réalité historique des faits, c'est un mot valise, et donc comme tous les mots valises, il uniformise un peu des situations qui sont en fait assez différentes. Puisqu'à l'intérieur de cet immense groupe des enfants-soldats, il y a les enfants-soldats comme ceux dont on vient de parler, les petits cadogos, enlevés, forcés à combattre, agressés, torturés parfois, violentés de toutes les manières possibles et imaginables. Mais il y a aussi, et ce sont ceux que moi j'étudie davantage, ceux que j'appellerais pour les distinguer des adolescents combattants, donc ils sont mineurs, ils ont moins de 18 ans, on est d'accord. Mais en revanche, leur démarche d'engagement, elle est très différente parce que elle vient d'une forme, disons, plus autonome de participation à un conflit. Ça ne veut pas dire que c'est libre de toute contrainte. Ça va être des contraintes plus idéologiques ou des contraintes plus psychologiques ou des contraintes plus économiques aussi parce que dans certaines situations de guerre civile, le contexte du conflit provoque un bouleversement social. Donc, s'engager, rejoindre un groupe armé, ça peut être une forme, paradoxalement, de protection. Voilà, on se met sous la protection d'un groupe plus âgé, on n'est plus tout seul, on n'est plus isolé au milieu de la forêt. Voilà, donc, ce sont des engagements qui sont contraints par un contexte extérieur, mais c'est pas la même contrainte que pour les enfants soldats. Non, on nous apprend vraiment à l'armée, on nous apprend à tirer l'arme, c'est vraiment l'ambiance militaire. On nous contrôle, on nous surveille et quand on fait l'erreur, on nous punissait, on nous frappait, on nous tapait beaucoup. Parce que les adultes, ils connaissaient bien la psychologie des enfants, quoi. Parce que tout enfant, lorsqu'on les apprécie, qu'on les montre, qu'on les aime, même si lorsqu'on les punissait et qu'on les montre une autre forme d'amour et tout, comme une deuxième grande famille en fait. On sait qu'on ne peut plus quitter l'armée, quoi. Ça nous plaisait bien. On faisait beaucoup de choses, en fait. Je m'habillais toujours bien dans l'armée. J'apprenais les choses facilement. Parce que, par exemple, j'ai tiré bien l'arme. Moi, on m'a choisi en étant le chef des champs de tir. Je ne suis pas gradé, mais je donne des ordres à mes autres amis. On se prend pour des adultes. Parce que je suis enfant, mais je peux taper les adultes, je peux les punir, je peux les donner aux autres, ils vont m'obéir. J'ai toujours voulu être chef. C'est sentir aussi être gang, quoi. Le plus fort, quoi. Un voyou dans l'armée. Et vous utilisiez la violence pour vous faire respecter, la force physique? La force physique, oui, et aussi la violence. Il y avait la bagarre à chaque fois, parce que j'ai bagarré beaucoup, en fait. Comme je restais toujours à gagner, du coup, ça m'amusait beaucoup à taper les autres. Ça faisait que les gens me respectaient. J'étais le garde du corps du chef de bataillon, en fait. C'est un chef que j'ai beaucoup aimé, en fait. Il m'appréciait toujours. Il me montrait l'amour, l'affection. Il pouvait être aussi comme mon père. Et des fois, il aimait quand je faisais le gangster et tout. Ça lui plaisait. Il m'a même acheté un singe, en fait. Là-bas, j'aime beaucoup jouer. Il m'a acheté un singe qu'on avait nommé Chic Norris. Chic Norris. J'ai passé ma journée à courir avec les singes. Une fois, j'ai même cousu un vêtement pour les singes et tout machin. Dès que la fille, il a rigolé à mort. Du coup, je l'ai impressionné par des choses comme ça, comment je faisais. Il y avait vraiment une amour assez forte avec lui, quoi. Tu vois. Et j'ai gardé beaucoup de bons souvenirs. Si j'avais continué encore l'armée, aujourd'hui, j'allais être encore un officier plus haut, quoi. Comme mes autres amis aujourd'hui. Donc, on s'attendait à finir nos vies dans l'armée, en fait. Pour nous, observateurs lointains, dans toutes les figures un peu emblématiques que la guerre moderne peut charrier, la figure de l'enfant soldat, elle est particulièrement dérangeante. Parce que ça associe à la fois des symboles et des fonctions qui normalement ne devraient pas être associés. Hein. Les enfants, c'est l'innocence, mais c'est aussi l'avenir, voilà, c'est la vie, enfin voilà. Et puis, voilà, soldat, la guerre, la mort, la maladie, le sang, le deuil. Bon, donc ça associe des symboles. Et donc, on a la plus grande difficulté à penser ces formes d'engagement, d'une part, et à penser les conséquences de ces engagements. J'ai fait beaucoup de mal pour qu'on me prenne au sérieux. Alors que moi, je suis là pas pour rigoler. Du coup, ça fait que non, je faisais des trucs horribles pour que tout le monde, quand ils savent que non, c'est lui, non, pas lui. Comme on m'a donné le nom de l'ange rebelle. Dans les villages où à laquelle j'ai tapé les enfants qui jouaient au ballon et foot et tout, machin. Au début, quand je suis arrivé dans ces villages-là, les enfants jouaient, ils veulent me prendre pour leur ami. Mais moi, je ne me prends pas pour un enfant. Moi, je suis militaire. Moi, je suis armé, j'ai un arme. Oh, je dis, mais ces enfants, ils sont malades, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire des trucs horribles dans les villages. J'ai tapé les gens, les enfants là, ils jouaient au ballon, j'ai confusé les ballons, je les ai tapés. L'autre, je lui ai promis que je vais tuer son père et sa mère. Et je faisais des trucs de ouf. Du coup, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à m'avoir peur de moi. Du coup, d'un coup, ils m'ont nommé un nom, ange rebelle. Si je parle des adultes, des hommes faits, on sait à quel point les expériences de guerre des adultes et des hommes ont pu être ambivalentes. Donc, si c'est vrai pour les adultes, a fortiori, c'est vrai aussi pour les expériences enfantines de la guerre. D'ailleurs, toutes les expériences enfantines de la guerre, là on parle des expériences combattantes, mais il y a des expériences enfantines de la guerre, je dirais, à l'arrière, qui sont aussi extrêmement ambivalentes. Si vous lisez les journaux intimes des enfants de la guerre de 14 ou de la Seconde Guerre mondiale, vous allez trouver à la fois le fait d'avoir peur, d'avoir faim, et en même temps de trouver ça pas mal, parce qu'on va quand même beaucoup moins à l'école. Et donc, il y a quand même des côtés sympas dans cette expérience de guerre. Donc, cette ambivalence-là, c'est finalement assez logique. Et c'est pour ça que, dans les processus de démilitarisation sous l'égide des ONG, sur place, le personnel qui intervient, notamment le personnel soignant, est particulièrement sensible au fait justement de, à la fois de leur reconnaître un statut de victime, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est faux. Ni des victimes à 100%, ou seulement des victimes, ni des bourreaux à 100%, et seulement des bourreaux, parce que sinon, il n'y a pas de porte de sortie. Pour que résilience il puisse y avoir, il faut nécessairement sortir des assignations. Et aucun individu n'est jamais monochrome et n'a jamais qu'un seul statut. Donc pourquoi est-ce que les enfants soldats n'auraient qu'un seul statut ? Des monstres, des bourreaux miniatures assoiffés de sang ou des victimes totalement innocentes et qui n'y ont trouvé aucune forme de satisfaction, aucune forme de plaisir, etc. etc. La réalité est toujours plus compliquée. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites que vous regrettez ? Je me suis convaincu aujourd'hui, non. Dans le sens que j'étais enfant, je me reproche de rien. Et je n'ai pas fait les choses esprit. Je ne me suis jamais considéré comme une victime. Il y a des moments où j'ai connu de l'armée, j'étais vraiment très, très, très serré, tranquille, où ça me plaît énormément, quoi. Parce que j'étais aussi bien encadré et on m'a toujours aimé. Comme aujourd'hui, là, par exemple, je ne m'amuse pas. Alors, pourtant, que dans l'armée, je m'amusais bien. Les transports étaient gratuits, je pouvais aller partout où je voulais au pays. J'avais l'autorité, et j'avais une bonne vie, j'étais salarié, on me payait chaque fin de mois. Je n'ai jamais galéré, je n'ai manqué de rien. Mais alors pourquoi vous êtes parti ? Parce qu'on m'a démobilisé. Mais si j'étais au Congo, c'est sûr que j'allais retourner dans l'armée. J'allais peut-être être devenu peut-être colonel, je ne sais pas, major, grade comme ça. Ce n'est pas un regret parce que la vie c'est un combat, mais... Ça me fait quand même regretter un tout petit peu. Même dans les quartiers où j'habitais, les gens me respectaient parce que j'étais dans l'armée et que j'étais aussi officier. Il faut qu'il y ait une parole qui soit à la fois une parole de reconnaissance de ce qui a été subi, donc du statut de victime, mais aussi de reconnaissance de ce qui a été fait, voire perpétré, qui reconnaît l'expérience combattante à sa juste place. Et le statut seul et unique de victime, d'une certaine manière, ne leur convient pas parce que ça dévalorise leur engagement et la valeur que eux ont pu mettre dans leur engagement. Et donc, ça peut être une des raisons de l'échec de ces procédures de réinsertion. D'une certaine manière, il y a une forme de frustration dans l'après-guerre, où cette expérience n'est pas reconnue, finalement, autant qu'elle devrait l'être, dans ce que ça a pu apporter, pourquoi pas de positif, et que rien n'est venu combler cette expérience, alors, du coup, l'expérience se pare d'une espèce d'aura un peu exceptionnelle, et donc se noue autour de ça l'idée d'un fantasme, d'y retourner, de le revivre, pour retrouver ce statut-là. Enfin... Les Kadogo, ce n'étaient pas des seigneurs de guerre, en réalité. C'était des petites mains qui risquaient leur vie à n'importe quel moment. J'ai fait l'armée presque pendant 4 ans et demi. Jusqu'à 15 ans et demi, j'ai quitté l'armée. Après, à un moment donné, moi, ça m'avait affaibli. Le fait de voir beaucoup de choses violentes comme ça, à un moment donné, je ne pouvais plus, en fait. Lorsque j'ai réalisé mon passé, des fois, je me posais la question, comment c'était fait que je puisse passer par là et jusqu'à aujourd'hui, ça me travaille énormément. Du coup, je tape personne, je fais jamais la bagarre. Mais je peux toucher ceux qui s'intéressent sur mon chemin. Là, je peux les abattre à moi parce que ça me dérange. Mais une fois que quelqu'un n'a rien à voir avec moi, je ne suis pas ici en France en état militaire, non, je suis Serge. Donc, depuis que je suis en France, j'ai jamais fait la garde à vue. J'ai jamais bagarré, je fais jamais la violence. Parce que j'avais pris cette décision parce que déjà au début, à la base, beaucoup de gens, en venant en France, ils m'ont pris pour un dangereux. Alors du coup, au début, je ne voulais pas déjà toucher les gens parce que je me disais que non, aussi au cas où j'ai réagi, je leur donnerais raison à ceux qui pensent que je pourrais être un sauvage ou un dangereux. Parce que si une fois que j'ai réagi, on va dire, ah voilà, parce qu'il a été enfant soldat. Parce qu'il a fait la guerre. Il va toujours avoir une raison. C'est mon passé. Alors du coup, pour ne pas y arriver par là, du coup, j'évite à tout prix. Même si je me provoque n'importe quel combat, je préfère même courir plutôt que de toucher la personne. Sauf que si la personne me touche physiquement, je peux faire une défense légitime. Moi, dans ma tête, je me suis beaucoup fait aider de faire ce travail de lavage des cerveaux à moi. Donc j'ai beaucoup travaillé. Parce que j'ai des choses jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à oublier en fait. kazi raisa lifanya ye. Ilipita kati wa magumu, kugeuza umeakuwe jeshi. Ililomba muda ni refu, ume wababaika. Ume wababaika. Munipe moyo mugono ya kushinda adui. Munipe moyo mugono ya kushinda adui. Donnez-moi la main, que je puisse gagner l'adversaire, pour que enfin l'homme soit sanctifié. J'aimerais bien que vous nous parliez de ce regard qui est porté sur ces enfants soldats par les adultes, qui est fait de fascination et de répulsion en même temps. Moi, je pense que c'est ce qui est important, effectivement, c'est de rappeler que cette catégorie enfant-soldat, c'est une construction, et que, en étant une construction, elle forcément et nécessairement, elle évolue avec la société qui va convoquer cette catégorie. Et donc, ce qu'on observe entre le 19e et le 20e siècle, en Occident, c'est que la catégorie enfant-soldat, pour aller vite, elle passe d'un statut légitime et presque légal, c'est-à-dire que c'est autorisé qu'il y ait des enfants sur le champ de bataille, et ça choque personne, à aujourd'hui, début du 21e siècle, où les enfants-soldats n'ont plus, évidemment plus de statut légal, mais en plus ne sont plus reconnus comme des combattants légitimes. Et ce basculement, il est progressif, c'est un processus qui court tout au long du 19e et du 20e siècle, avec des grandes étapes, et ces grandes étapes, ce sont les principales guerres du 20e siècle. Donc, si je prends l'exemple de la guerre de 14, si ces combattants juvéniles sont illégaux, n'empêche qu'il y en a. Ils vont mentir sur leur âge, ils vont mentir sur leur nom, ils vont tricher. Ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers d'adolescents qui vont délibérément tenter d'accéder au front. Cet engagement, même s'il est illégal du point de vue des lois militaires, il est encore considéré comme légitime. Parce que quand ces adolescents arrivent, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'ils sont mineurs. Ils sont pas tellement plus vieux que la photo du cadogo que vous m'avez montré tout à l'heure. Donc, personne n'est dupe. Et ensuite, ce qui est intéressant d'observer, c'est comment, tout au long du XXe siècle, l'engagement juvénile reste illégal, et c'est le caractère légitime qui va progressivement disparaître. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en réalité, c'est un processus qui existe depuis longtemps et qui a existé quasiment dans toutes les guerres du XXe siècle. Bien sûr, quand c'est un membre des jeunesses hitlériennes ou des Balila italiens qui rejoignent la Waffen-SS ou la République de Salo, quand c'est un jeune adolescent ou une jeune adolescente qui essaye de rejoindre Daesh, ça, c'est insupportable. Mais en réalité, c'est là qu'il faut essayer, en tant qu'observateur, de s'affranchir de cet écran de la cause pour réfléchir aux mécanismes et à ce qui relève d'une classe d'âge, ce qui relève aussi de voilà, ce que j'appelle cette volonté d'action et cette... Parce que enfin, je veux dire, c'est un phénomène qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Alors c'est au cours de travaux justement sur la violence interreligieuse en France pendant les guerres de religion que j'ai découvert que les violences étaient certes le fait majoritairement d'adultes. Denis Crouzet. Mais que l'on trouvait de temps à autre des enfants en bande qui accomplissaient des rituels qui à nous nous apparaissent relever de l'atroce et qui pour eux, sans doute, exprimaient un devoir d'amour de Dieu. Ce sont des violences surtout des petits-enfants catholiques. L'exemple le plus frappant, c'est durant la nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août au matin de l'année 1572, quand l'amiral de Coligny a été tué et quand des hommes se répandent dans Paris pour assassiner les chefs protestants. Avant même que ce massacre dégénère en un grand massacre collectif qui va faire 2 ou 3 000 victimes, des récits racontent comment une bande de 200, voire 300 petits-enfants, entre 6 et 12 ans, se rassemblent dans la cour de la maison où Coligny avait été assassiné. Son corps avait été jeté sur le pavé de cette cour et s'emparent du cadavre. Les uns attachent une corde autour du cou, les autres une autre corde autour des pieds, et puis un enfant devient juge, un autre procureur, un autre conseiller, et au bout de délibération, ils commencent à tirer tous le cadavre à travers les rues de Paris. Régulièrement, au carrefour, le petit tribunal se tient pour juger un crime attribué à l'amiral de Coligny. La condamnation peut être soit du supplice du feu, soit d'être jeté dans la boue, soit à la fin, ça sera d'être jeté dans la Seine où le cadavre sera ensuite récupéré. Et on peut peut-être comprendre que cette vision d'une violence théophanique à travers la geste des enfants a pu être un déclencheur du passage d'une partie de la population catholique de Paris au massacre, je vous dis, de 3, peut-être 4 000 personnes. Alors, il s'agit d'un exemple, mais on en a d'autres. On a gardé des témoignages tout à fait intéressants de chansons qui sont destinées à rappeler précisément la geste transcendante qu'ils ont accomplie. Ces enfants ne se contentent pas d'être des tortionnaires, ils deviennent aussi des enfants qui parlent de ce qu'ils ont fait et donc de la nécessité de continuer. Au hall de Paris, on en fit la justice, puis les petits-enfants en firent le service. Bientôt en bas l'ont descendu, après qu'il eût été pendu. Quand ils l'eurent jeté du haut de la potence, tous ces petits-enfants se sont réunis ensemble. À la voirie l'ont traîné, lié et garrotté, criant, chantant joyeusement. Voici venir le nez d'argent. Quand ils l'eurent traîné dedans le ruisseau, toutes ces tripailles ont tiré. Puis son cœur, un chien l'a avalé, qui la moitié de son corps ont traîné. C'est un jeune enfant, enfant de cette ville, qui vit le nez d'argent traîné, comme il l'avait bien mérité, par la rue Saint-Honoré. Ces enfants du XVIe siècle peuvent s'inscrire eux aussi dans cette généalogie de l'enfant tueur. Faut bien se rappeler que dans les derniers temps de l'Allemagne nazie, ce sont des enfants certainement plus âgés, 14 ans, qui étaient en service dans les batteries de DCA, etc. Dans la Chine de Mao, les enfants non seulement servaient de juges des adultes, mais pouvaient être aussi amenés à exécuter les traîtres et autres complices de la réaction. Donc, sans qu'il faille coller le passé sur d'autres passés, voire sur notre présent. L'enfance a un pouvoir qui sert les adultes avec cette ambivalence sur laquelle jouent les manipulateurs. Le geste de l'engagement juvénile, il est intéressant parce que c'est un miroir qui est tendu à une société à un moment donné. Et donc, l'attitude de cette société vis-à-vis de l'engagement adolescent, il est aussi révélateur de la place que cette société fait ou ne fait pas à sa jeunesse. On est bien obligé de se poser la question, qu'est-ce qui nous gêne dans l'engagement adolescent? Est-ce que c'est pas aussi notre propre culpabilité à ne pas agir? Et si on prend un exemple très récent, en 2013-2014, donc dans les premières années qui suivent l'éclatement du conflit en Syrie, il y a eu un phénomène de fugue en Europe occidentale d'adolescents et d'adolescentes vers ces théâtre de guerre. Les quatre figures les plus médiatisées tentaient de rejoindre l'État islamique au Levant, donc Daesh. Tout le monde s'est beaucoup inquiété, etc., dans la presse grand public, hein, je veux dire. Personne n'a envie d'applaudir. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de me demander, mais pourquoi ils veulent partir ? Pour essayer de réfléchir à ce que le processus d'engagement traduit. C'est pas forcément une adhésion, en l'occurrence dans le cas de Daesh, à la destruction du modèle occidental et au terrorisme. Mais ce que ça traduit, c'est d'abord une volonté d'agir. Quels sont les champs d'action et d'expression d'autonomie des adolescents aujourd'hui ? On les appelle les enfants de retour de zone irako-syrienne. Quand ils arrivent à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis. Morwine Veré-Moreau et Alessandra Mappelli, vous êtes psychologues au service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors, qui sont ces enfants et qu'ont-ils fait pour se retrouver ici ? Normalement, les enfants qu'on reçoit ici n'ont pas été, enfin, ils sont pas auteurs de violence, comme on dit. En revanche, on sait que certains enfants et la plupart, enfin, un bon nombre d'entre eux ont quand même été familiarisés avec les armes, été élevés pour devenir des lionceaux du califat, des martyrs. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été auteurs de violence qu'ils n'ont pas été témoins et qu'ils n'ont pas été entraînés à la violence. Donc on s'occupe des enfants qui reviennent de zones d'opérations de groupements terroristes. Ils sont des enfants soit qui ont été amenés par leurs parents dans ces zones, ou des enfants qui sont nés là-bas et qui donc arrivent en France pour leur première fois. Donc on reçoit des enfants de 0, des bébés, de nouveau-nés, jusqu'à 17 ans. Voilà. Ils arrivent jusqu'à nous parce qu'ils sont rapatriés à un moment donné. Du coup, nous, on est identifiés comme le centre référent pour l'accueil et l'évaluation médico-psychologique de ces enfants. Les enfants qu'on voit ici sont expulsés de Turquie, c'est un accord avec la France. La plupart arrivent au moins avec leur maman le plus souvent, mais ça arrive qu'ils rentrent avec les deux parents et on a quelques situations où les enfants rentrent seuls, sachant que les papas ou les mamans parfois sont soit incarcérés sur zone, soit présumés décédés. Et dans le cas où ils rentrent avec les deux parents, de toute façon, dès l'arrivée à l'aéroport, les parents sont mis en garde à vue. Et les enfants ont l'aide sociale à l'enfance qui les attend à l'aéroport pour les emmener dans une famille d'accueil. Et alors depuis les premiers enfants revenant de Syrie, vous en avez reçu combien ? Eh ben, on est 80 enfants. Puis il y a des enfants qui sont signalés, qu'on n'arrive pas vraiment à voir, qui ne sont pas encore entrés. Les situations sont très variées. En tout cas, on en a vu passer 80. Depuis mai 2017. Là, actuellement, on en voit 40 par semaine, à peu près. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont toujours pris en charge dans le service. La guerre, qu'est-ce que ça fait à un enfant ? La guerre, ça fait peur. Ça fait parfois tellement peur que on peut oublier, puis être en capacité d'en parler, ou bien ça va revenir tout le temps sous forme d'images, de cauchemars. Ça va revenir dans le jeu de l'enfant qui va mettre en scène à répétition les scènes qu'il a vues. Pour simplifier, ça abîme, ça effracte et ça abîme Il y a la guerre, mais il y a tout l'avant, il y a toutes les ruptures quand la famille part de France, la rupture avec la maison familiale, avec les objets auxquels on était attachés, les animaux de compagnie, etc. Sans savoir où on va, ou en pensant partir en vacances en Turquie, en fait, ben après on se retrouve là-bas. Après, une fois là-bas, il y a toutes les fractions liées aux scènes d'une extrême violence auxquelles ils ont été confrontés. Il y a une violence psychique, il y a parfois une violence physique, envers les enfants, envers une violence conjugale parfois. Il y a des expositions à des scènes qui sont pas de leur âge, tous les gens qu'on voit mourir. Donc il y a cette violence qui imprègne tous les niveaux de la vie, quoi. C'est des traumatismes à répétition, en fait, qu'ils vont vivre. Après, si pour ceux qui ont essayé de partir, ben, il y a la fuite, il y a la faim, la soif, les incarcérations, en sachant que pour l'enfant, la manière dont les parents vont réagir pendant ces événements-là est très importante, parce que l'enfant va sentir la peur du parent, sa capacité ou non à pouvoir le rassurer, le consoler ou pas du tout. Ce sont tous ces événements, en fait, qui font trauma chez ces enfants. Est-ce que parmi ces enfants, certains ont participé à des faits d'armes, à des violences armées? Alors, si on fait allusion à l'entraînement militaire, par exemple, ils ont vu leur père, par exemple, toujours avec une arme, le papa peut leur avoir montré comment l'utiliser. On pense que certains ont vu des vidéos, par exemple, de mise à mort, de guerre. Il y a aussi tout l'aspect communautaire. Chez Daesh, on exécute sur la place publique et on retransmet sur des écrans géants. Donc on sait qu'ils ont été témoins de ça. Donc c'est difficile de parler de violence au singulier. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même certains, hein, pas tous, amenés à entendre des propos violentes. On leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent telle et telle chose. Mais ils n'ont pas fait. Mais rien que ça, ça génère chez l'enfant une culpabilité énorme. Et parfois, il faut attendre des années avant que l'enfant puisse déposer ça. En sachant qu'on a très peu d'éléments quand les enfants arrivent. Après, à fur et à mesure de consultation, on peut voir des choses apparaître. Donc on arrive à comprendre un peu mieux à travers le jeu, qu'est-ce qu'il nous montre, à travers les dessins. Mais un enfant qui arrive et qui ne parle pas, on peut se questionner, est-ce que c'est réactionnel? Ou c'est un enfant qui ne parlait pas même avant? Ça, on ne peut pas le savoir. Donc on a besoin du temps pour comprendre. Les assistants familiaux qui prennent en charge ces enfants, ce sont les personnes qui sont en première ligne avec ces enfants. Ce sont ces personnes qui partagent leur quotidien et qui vont pouvoir observer leur comportement, être témoin des effets du trauma, etc. Tout d'un coup, un enfant, il va se mettre un truc classique, c'est il va se mettre à égorger ses doudous, par exemple. Et là, tout d'un coup, il y a effraction d'une réalité qu'elles avaient un peu mise de côté. Ou alors les enfants qui voient un avion et qui se mettent à tirer dessus et puis à se mettre à l'abri, enfin voilà, des sortes de mise en scène de jeux traumatiques. Et donc là, ça fait effraction dans leur quotidien. Et il faut les accompagner parce que certaines sont très exposées. Donc ce sont vraiment les personnes en première ligne. Parce que la particularité, c'est quand même que ces familles d'accueil, elles sont censées accompagner et donc aimer des enfants de l'ennemi. C'est toute la complexité justement de cet accueil. On s'est vite rendu compte que les tatas avaient un besoin très important de déposer ce qu'elles vivaient, elles, dans cet accueil. Qu'est-ce que ça leur faisait d'être tata de tel enfant qui est fils de telle personne, qui est très médiatisée, qu'on peut retrouver dans les journaux, et voilà. Donc elles viennent dire que ça leur fait peur de vivre 24 heures sur 24 avec ses enfants. Est-ce que ces enfants pourraient être dangereux pour elles ou pour leur famille? Donc c'est ça l'interrogation. C'est comme si le petit représentait ses parents. C'est compliqué de prendre conscience de ce que ces enfants nous font vivre. Objectivement, ils nous rappellent qu'on a des compatriotes qui peuvent faire des choix violents, des choix qui peuvent blesser notre nation collectivement. Et ces enfants-là, c'est les enfants un peu de l'ennemi intérieur, quoi. Et ça, c'est finalement assez peu réfléchi, pensé. Juste pour vous dire aujourd'hui, c'est d'aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui une tata qui a tout fait pour faire en sorte que cet enfant ait une photo de son papa, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas de nouvelles de ce papa. Et elle me dit, voilà, je suis rentrée dans la chambre, j'ai vu la photo, je me suis dit, mais quand même, moi j'ai la photo d'un terroriste accrochée sur les murs de ma maison. Vous voyez ? Et je me suis dit, mais même par rapport à mes enfants, qu'est-ce que ça peut leur faire ? J'en ai parlé avec mon mari. Et puis je me suis dit que c'était tellement bien pour cet enfant et que j'assume. Mais elle le dit quand même. Et c'est important d'avoir cet espace pour pouvoir le dire. Pour qu'elle ne reste pas avec cette idée qu'elle est en train de faire quelque chose, qu'elle peut la mettre en danger, qu'elle peut mettre en danger aussi ses enfants. Et ces enfants de retour de zone irako-syrienne, ces enfants de Daesh, est-ce qu'ils sont dangereux ? Dangereux. Dangereux pour qui ? Pourquoi ils pourraient être dangereux ? Parce qu'ils ont été plongés dans la violence ? Chez certains, ils sentent la peur qu'ils suscitent. Et ils peuvent aussi l'utiliser et s'en servir comme élément identitaire, quoi. Ouais. Ça peut être en faisant des allusions à des choses qu'ils ont vécues, qui peut impressionner. Et du coup, ça commence à susciter des fantasmes un peu chez les professionnels. Et l'enfant peut s'enfermer un peu là-dedans en disant que lui, de toute façon, personne ne peut comprendre ce qu'il a vécu et que de toute façon, il a vu des choses que personne n'a vues. Et en fait, on sent que ça peut être un élément, quelque part, un vecteur de valorisation pour lui. Et comment vous faites alors avec ça ? Du moment où l'enfant arrive à le déposer, ça veut dire qu'il peut se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire face à sa culpabilité, à l'extérioriser. Mais tant qu'elle n'a pas été exprimée, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un passage à l'acte ? Encore une fois, moi je pense que cette question du passage à l'acte, ça c'est une de nos peurs vis-à-vis de ces enfants, hein, et c'est extrêmement important qu'on travaille cette peur-là. La nôtre. En fait, travailler tout ce qu'on peut projeter sur ces enfants. C'est vrai que, comme tu dis, c'est urgent que la société puisse les reconnaître en tant que victimes et que la société puisse leur faire une place. Que ce soit leurs parents qui aient décidé de partir pour la Syrie ou les adolescents eux-mêmes, quel défi ces enfants représentent pour notre société, Manon Pignot ? Le cas des enfants qui sont nés en Syrie ou qui sont arrivés tout petits en Syrie et qui ont grandi là-bas, qui sont français, qui sont nés de parents français et que l'État refuse de rapatrier collectivement. La France a choisi de faire du cas par cas. En réalité, c'est un déni de principes républicains évidents. C'est-à-dire que si ces enfants sont français, or ces enfants sont français, les lois de la République s'appliquent à eux. C'est quand même un des domaines majeurs sur lesquels s'est bâtie la République. La question de la protection de l'enfance, à la fin du 19e siècle, hein, y compris contre ses propres parents. La République se substitue aux parents maltraitants pour protéger les enfants. Enfin, c'est vraiment les législations de base de notre régime politique actuel. Comment on peut justifier de délibérément abandonner ces enfants-là au nom des crimes commis par leurs parents ? Enfin, est-ce qu'on imagine un seul instant, en 1945, en 1946, que la République exclut les enfants des collaborateurs qui ont collaboré avec le régime de Vichy, qui ont collaboré avec l'occupant allemand. Est-ce qu'on peut imaginer que une génération entière, et il y avait infiniment plus de collaborateurs en France qu'il n'y a de Français partis faire le djihad. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que voilà, les enfants des collaborateurs aient eu à payer pour les crimes de leur père en étant exclus de l'école, exclus de l'hôpital, exclus de... Enfin, ça paraît... Enfin, encore une fois, c'est pas à géométrie variable. C'est-à-dire que une fois, quand un adolescent s'engage, on considère que c'est dans le bon sens, c'est formidable, on le valorise. Et puis quand il s'engage, mais on considère que c'est pas dans le bon sens, on le dévalorise, voire on le punit. Non. S'il enfreint la loi, on le punit. Ça, c'est le travail de la justice. Mais on n'est pas juge, nous autres. S'ils ont enfreint une loi, ils sont punis pour cela. Et d'ailleurs, c'est le cas. Ils sont punis. Ils sont en centre éducatif fermé, ils sont suivis par la PJJ, ils sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont déjà. Mais est-ce qu'on va continuer à faire comme si de rien n'était et comme si ces formes d'engagement n'étaient liées par aucun mécanisme à la société dans son ensemble ? Les engagements juvéniles, ils sont produits par la société à laquelle ils appartiennent. Soit ils sont produits directement par la contrainte et par la violence, soit ils sont produits par un contexte idéologique, économique, social, politique. Notre problème aujourd'hui, c'est que justement, on n'est pas dans un contexte de guerre classique. Qu'est-ce qui fait que dans la société, la situation a évolué de telle manière que ça puisse produire un tel désir d'engagement? Et c'est ça qui nous met si mal à l'aise, c'est la question du désir. Ce désir d'agir, ce désir de prendre sa part, ce désir de partir. Donc il y a tout ce qui relève de l'état adolescent et de la transition pubertaire, mais il y a aussi tout ce qui relève de la responsabilité d'une société à ne pas satisfaire les désirs de sa jeunesse. Donc leur engagement découle aussi de notre responsabilité. De la leur, puisqu'ils ont posé un acte, mais aussi de la nôtre, collectivement. C'était Grandir avec la guerre, l'innocente cruauté des petits guerriers, avec Serge Amizi, Manon Pignot, Denis Crouzet, Morwine Moroveré, Alessandra Mapelli. Merci à Marie Dauzet, Cécile Lafont, Arnaud Churin, Thierry Bobet. Prise de son Lucien Lefebvre, Éric Boisset, Hervé Dubreuil. Mixage, Benjamin Vignal. Production, Perrine Kervran, Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy, Anne-Lise Signoret. Un documentaire de Pauline Mocor et Véronique Samuiloff.